Deuxième livre des Chroniques, chapitre 2. Or Salomon résolut de bâtir une maison au nom de l'Éternel, et une maison royale. Et il fit un dénombrement de 70 000 hommes qui portaient les faits, et de 80 000 qui coupaient le bois sur la montagne, et de 3 600 qui étaient commis sur eux. Et Salomon envoya vers Hiram roi de Tyr, pour lui dire, « Comme tu as fait avec David mon père, et comme tu lui as envoyé des cèdres pour se bâtir une maison afin d'y habiter, fais en de même avec moi. Voici, je m'en vais bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui sanctifier, afin de faire fumer devant lui le parfum des odeurs aromatiques, et lui présenter les pains de proposition, lesquels on pose continuellement devant lui, et les holocaustes du matin et du soir, pour les sabbats, et pour les nouvelles lunes, et pour les fêtes solennelles de l'Éternel notre Dieu, ce qui est perpétuel en Israël. Or la maison que je m'en vais bâtir sera grande, car notre Dieu est grand au-dessus de tous les dieux. Mais qui est-ce qui aura le pouvoir de lui bâtir une maison, si les cieux, même les cieux des cieux ne le peuvent contenir? Et qui suis-je moi, pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire des parfums devant lui? C'est pourquoi envoie-moi maintenant quelque homme, qui s'entende à travailler en or, en argent, en airain, en fer, en écarlate, en cramoisi, et en pourpre, et qui sache graver, afin qu'il soit avec les hommes experts, que j'ai avec moi en Judée, et à Jérusalem, lesquels David mon père a préparés. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de sapin, et d'algumim, car je sais que tes serviteurs, s'entendent bien à couper le bois du Liban, et voilà, mes serviteurs seront avec les tiens. Et qu'on m'apprête du bois en grande quantité, car la maison que je m'en vais bâtir sera grande, et merveilleuse. Et je donnerai à tes serviteurs qui couperont le bois, 20 000 corps de froment foulé, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin, et 20 000 battes d'huile. Et Hiram, roi de Tyr, répondit par écrit, et manda à Salomon, parce que l'Éternel a aimé son peuple, il t'a établi roi sur eux. Et Hiram dit, béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui doit bâtir une maison à l'Éternel, et une maison royale. Je t'envoie donc maintenant un homme expert et habile, qui a été à Hiram mon père, fils d'une femme issue de la tribu de Dan, et duquel le père est Tyrien, sachant travailler en or, en argent, en airain, en fer, en pierre, et en bois, en écarlate, en pourpre, en fin lin, et en cramoisi, et sachant faire toutes sortes de gravures, et de dessins de toutes les choses qu'on lui proposera. Avec les hommes d'esprit que tu as, et ceux qu'a eu mon seigneur David ton père. Et maintenant que mon seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin qu'il a dit, et nous couperons du bois du Liban, autant qu'il t'en faudra, et nous te le mettrons par ado sur la mer de Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon donc dénombra tous les hommes étrangers, qui étaient au pays d'Israël, après le dénombrement que David son père en avait fait, et on en trouva 153 600. Et il en établit 70 000 qui portaient les faits, 80 000 qui coupaient le bois sur la montagne, et 3 600, commis pour faire travailler le peuple.